Bonjour, vous écoutez toujours CISM, La Marge, la radio des étudiants et étudiantes de l'Université de Montréal. Je m'appelle André Péloquin et c'est maintenant l'heure de la grande traversée du jeudi, Plectrum. On va débuter dès maintenant avec notre heure francophone et on va y aller avec un petit peu de yéyé et de rock, s'il vous plaît. On va avoir entre autres un succès souvenir des Surfs, on va aussi avoir les Georges Leningrad, mais débutons dès maintenant avec une pièce des Breastfeeders. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, je vous invite à me rejoindre à mon courriel, c'est le plectrumcism@hotmail.com. Le site web de la radio, c'est le cism893.ca. On débute dès maintenant avec Passe en saveur des Breastfeeders. À tout de suite! Je bâtirai une ferme une grange et une barrière. Et j'y mettrai mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, ce serait le bonheur. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Si j'avais une grâce, je sonnerais le jour, je sonnerais la nuit, j'y mettrais tout mon cœur pour le travail à l'or. Tournant la terre pour alléger nos peines. Je chanterai à mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh, ce serait le bonheur. Si j'avais un bateau, et si j'avais une glace, si j'avais une chanson à chanter, je serai la plus heureuse. Je ne voudrais rien d'autre qu'un marteau, une cloche et une chanson. Pour le monde de mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. C'était les Surfs avec la pièce « Si j'avais un marteau ». Bonjour tout le monde, vous écoutez toujours CISM, la radio de l'Université de Montréal. Je m'appelle André Péloquin et c'est la grande traversée du jeudi Plectrum qui se poursuit. Un peu avant, on avait les Georges Leningrad avec la pièce « Mange avec tes doigts ». Ils seront d'ailleurs en concert au Zoo Bizarre le 31 octobre et comme c'est un party de l'Halloween, les costumes sont obligatoires. Et on a débuté cette émission avec les Breastfeeders. C'était la pièce Pas sans saveur. Ils seront en concert demain, vendredi 20 octobre 2006, au Collège de Maisonneuve. Et là, les costumes ne sont pas obligatoires, mais mettez-en un quand même, ça pourrait être intéressant. On va poursuivre dès maintenant avec des trucs un petit peu plus électro. En parlant d'électro, est-ce que vous avez entendu parler du concert de Herbalizer de la semaine dernière? Il paraîtrait que Ariane Moffat se serait faite jeter dehors du concert pour avoir monté sur scène sans être invitée par le groupe. Oh, patin ici sur CISM! Oh, oui! Bon, maintenant que j'ai fait ma part de contenu, on va avoir du DJF qui, cette semaine, nous mixe ensemble du Junior Boys avec du Madonna. On va aussi avoir une reprise de Serge Gainsbourg par The Orb. On va aussi avoir du Frigide. Mais avant, commençons avec une autre bombe de numéro, le groupe préféré des jeunes et des moins jeunes. Bien sûr, je parle de la pièce Journaliste. Ils seront en concert, d'ailleurs, ce soir, au Festival du Nouveau Cinéma, au cabaret Juste pour Rire. C'est un DJ set, mais ça tente de vous réchauffer en attendant le lancement en novembre. Ça pourrait être intéressant. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, vous pouvez me rejoindre au plectrumcism@hotmail.com. J'ai aussi un site web où est-ce que je note toutes les pièces qui ont été jouées. C'est le plectrumcism.blogspot.com. On y va dès maintenant avec Journaliste de numéro. Pas ta belle attachée de presse, que j'ai pas lu ta bio. Et quelque part t'as un air de Catherine. Même quand je sors le soir avec mes amis, c'est les mêmes choses qu'on dit sur ton album. Et le soir avant le, je formule, j'analyse ce qu'il faut que je dise pour plaire à ta chaîne presse. Toujours les mêmes choses à faire.

so slowly. C'était DJF avec son mashup des Junior Boys et de Madonna. Pour avoir plus d'informations sur ce que fait DJF, allez sur le myspace.com/MontréalDJ. Un peu avant, on avait The Orb avec leur reprise de Serge Gainsbourg, Requiem pour un con, un peu vent frigide avec la chanson X. Il sera en concert le 17 novembre au Main Hall. Et on a débuté avec un journaliste de numéro. Ils font un DJ set ce soir dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma au Cabaret. Et ils seront en concert au Divan Orange le 7 novembre. C'est le lancement de leur album Idéologie des Stars. On va poursuivre dès maintenant avec des trucs plus hip-hop. Alors, bien sûr, qui dit hip-hop dit la loi de la rue, ouais! Alors, s'il y a des enfants avec vous, prière de leur boucher les oreilles. Les propos risquent d'être vulgaires. Surtout qu'on va avoir du Jingo Fly. On va aussi avoir du Otari. On va aussi avoir du Incredible Pack. Mais débutons avec une valeur sûre. Ça joue tout le temps, c'est ISM. À toutes les demi-heures, il y a à peu près une pièce, deux qui jouent. Je parle bien sûr de TTC. On va entendre la pièce Paris, Paris. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, ça se passe au plectrumcism@hotmail.com. Si vous avez iTunes et le iPod, allez sur le podmodernisme, podmodernisme.blogspot.com. Petite surprise pour vous. On y va dès maintenant avec TTC, yo! Sur CISM! Bro, bro! Où sont les gosses avec le plus de classe? Paris! Où sont les gosses avec le plus de liasses? Paris! Où sont les caisses avec le plus de face? À ton avis, quelle est la ville avec le plus de chiens? Paris! Où sont les gosses avec le plus de classe? Paris! Où sont les bosses avec le plus de liasses? Paris! Où sont les shops avec le plus de marques? À ton avis, quelle est la ville avec le plus de stars? Paris! C'est Paris capitale, emprunte à voie rapide. Paris! Va dans des quartiers chics et croise des stars du King. Paris! Je fais le tour du monde comme du périphérique et redécouvre des endroits féeriques dans cette ville lumière qui vit la nuit aussi. Ces filles très belles remplies d'esprit, strass et paillettes, boule à facettes qui brillent, soirée fashion fou, la basket qui crie. Paris, tu trouveras tout ce que tu veux dans les assiettes, il y en a trop, on dit bouffe ce que tu veux. Paris, Paris est une ville de marque où vie de star prend tout son sens, car Paris est une ville de marque, comme les vêtements dans lesquels j'ai mis du cash. Tout va trop vite ici, formule un papis de car. Désolé te rappeler que Paris est une ville de bâche. Où sont les gosses avec le plus de classe? Paris. Où sont les bosses avec le plus de liasses? Paris. Où sont les caisses avec le plus de face? À ton avis, quelle est la ville avec le plus de chiens? Paris. Où sont les gosses avec le plus de classe? Paris. Où sont les bosses avec le plus de liasses? Paris. Où sont les shops avec le plus de marques? À ton avis, quelle est la ville avec le plus de stars? Paris. Paris réalisera tous tes rêves. Viens faire un tour du côté de la tour Eiffel. Paris est la plus belle ville sur terre. Pur restaurant, fille super. Balade-toi dans les quartiers chics, ça transpire encore plus de fric qu'aux Amériques. C'est vrai. Dans les rues tu comprendras très vite d'où viennent les filles les plus jolies. Bon appétit. Paris. La meilleure musique du monde sort d'ici. On est en avance de 10 ans dans la plupart des styles. Je ne te prends pas pour un imbécile. En notre vie tu danseras toute la nuit jusqu'à devenir amnésie. Gratte-ciel, casino, bordel, cabaret. Pour dépenser ton cash, Paris est l'endroit parfait. Pas la peine de remettre ça en cause. Les autres capitales ne valent pas grand chose. Où sont les gosses avec le plus de classe? Paris. Où sont les bosses avec le plus de liasses? Paris. Où sont les caisses avec le plus de face? À ton avis, quelle est la ville avec le plus de chiens? Paris. Où sont les gosses avec le plus de classe? Paris. Où sont les bosses avec le plus de liasses? maquillage. Paris, où sont les shops avec le plus de marques? À ton avis, quelle est la ville avec le plus de stars? J'aime en or autour du cou, la foule m'appelle. Les Parisiens sont toujours là pour foutre la merde. La terre entière essaye d'être nous. Les autres villes ne font qu'rêver d'être cool. Cuisses et cuisses sur les Champs-Élysées. Et quand tu descends la ville, tu vois des gens déguisés. Tellement ils sont beaux, tellement ils sont gros. Tu n'en crois pas tes yeux, tellement ils sont trop. La Parisienne est chic, ma Parisienne est chiche. Et comme cette ville est belle, oui j'y capitalise. Dans mon arrondissement et dans le tien aussi. Pour mon enrichissement, je lutte et je mise. C'est le luxe, j'ai des muses dans le jukebox. Et des lustres, on diffuse ma musique dans les clubs. Ça m'amuse, Paris ressent les subs. On déguste la ville, l'envie, l'anguille, tu l'ennuies. Où sont les gosses avec le plus de classe? Paris. Où sont les gosses avec le plus de liasses? Paris. Où sont les caisses avec le plus de passes? À ton avis, quelle est la ville avec le plus de chars? Paris. Où sont les gosses avec le plus de classe? Paris. Où sont les boss avec le plus de liasses? Paris. Où sont les shops avec le plus de marques? À ton avis, quelle est la ville avec le plus de stars? Paris. Où sont les gosses avec le plus de classe? Paris. Où sont les boss avec le plus de liasses? Paris. Où sont les caisses avec le plus de passes? À ton avis, quelle est la ville avec le plus de chars? Paris, où sont les gosses avec le plus de classe? Paris, où sont les boss avec le plus de liasses? Paris, où sont les shops avec le plus de marques? À ton avis, quelle est la ville avec le plus de stars? Paris. Sûr, ha, seul, seul. Vas-y, vas-y. Ha, j'ai entendu que t'es G au micro. J'ai entendu que t'es G au micro. On l'a fait SF, même t'es dit nos choses, c'est Bruno. Pas fait ça, monsieur. Ou pas fait monsieur depuis plus que deux ans. C'est pas rigolo, mon gars. Non. Dieu. J'suis pas le genre d'MC qui fait ses bips sous le microphone. J'sais que mon track, ils vont dire que c'est un publicity stunt. Et puis j't'ai dit que t'es fake. Sur DVD. Et t'es là. Sur toi tu voulais pisser. Dans la salle avec ton frère, tu parlais trop shit. T'as chaud, t'as même pas vu le 9 mm full clip. Hier on était deep, tout comme 20 deep. Mais un vrai G beef, même s'il est pas 20 deep. J'suis pas avec Double Shot, moi mon nom c'est Seul. Si tu me vois, baisse ta tête et ferme ta gueule. On s'est croisé, t'as essayé de faire un move brigand. Mais dans ton propre squad, ils t'ont donné mon vrai nom. Ou mettre ma dé, y'a que t'en doux seul sans y'en racher. Mandez ma maman l'icadou que c'est diable qu'on poussait. Et que le pape j'en reculer devant aucun facirol. S'il y a du bif, donne ma maman donne et un peu d'alcool. J't'ai donné 16 bars, j'ai fini de parler. Tiens mon pauvre city stand. En plus, moi j'vais te le signer. Seul, yep, voilà. Shit vous fucking changer. Seul, yep. Incredible Inc. I see you son. N'est pas mieux. I see you. Huh. I got the same shit. La base que ferme le son dans le sol. Et j'ai du sang dans le sol. Yeah. Buzzy. J'attends la réplique avec impatience. Snag. Babli et Opam. Ha. Dans vos chats. Nous même tout monsieur. Ha. Marchez. La crise de claque pendant que je passe toute le smack, fais-toi en pas. On a pour tout le pack, les poches pleines, mais pas une scène. Grosse coupure qui mène, grosse fourrure au chien. Nos berlines allemandes, des plus petites aux plus grandes. Genre de manche, flash plus que bam. Check it. Des bitch go case de blue. On run le shit, nous pis notre clé. Jigga Inc. Sphere on nos îles, les factionnaires, chez Jigga Inc. Des bitch go case de blue. On run le shit, nous pis notre clé. Sphere on nos îles, les factionnaires, chez Jigga Inc. Jigga Inc, c'est des cheats, des flics, font des chicks, fan d'adobe, on a contrôle, monopole, pis c'est drôle. Jigga Fly represent votre testament. Jigga Fly, c'est business incorporate. Pompe nos pouvoirs, mais c'est que c'est que. Ta gueule, à genoux à terre, t'es bien mieux. Si un jingle te demande de quoi, t'es mieux de le faire, ben à moi. Fuck les petites pulottes qui overdose de pot en mangeant de ma crotte. Give me Jigga qui sonne comme ça. Jigga Inc, c'est notre shit, c'est des chicks, font des flics. Fuck it, j'peux-tu recommencer? Bitch, va t'asseoir, 100% de remords. C'est ton petit départ, on fourre pas des morts. Tellement pimp que j'vends même des grands-mères. Viens à foutre, j'fourre 10 filles par en arrière. Vendre du crack, yo, c'est notre affaire. On transporte un type ou stock dans des carrières. Mange la merde si t'aimes pas la moutarde. J'connais la gage, lui aime ça, j'jette des outards. Fume du gré, allume ta télé. La brune, c'est en été, puis j'fume, c'est une idée. Qui me laisse indifférent comme des fesses de pélican. Qui caresse un vieux divan plein de tèche pis lubrifiant. J'spit 800 000 mots, plus puissant que du blow. T'es puissant, t'es faux, 100% pas de flow. Just ça, pas de show, rien que tu vas, t'es trop. Fake, on hang, on slang et bang. Comme l'époque de Wu-Tang, on est juteux comme du tang. Aussi goûteux qu'une lasagne, plus mousseux que champagne. Boy, yeah, brah. Yo, laisse faire le small time shit, vend des dimes sur le corner. Investis dans nos actions, biatch. Check. Des bitch go case de blue. On run le shit, nous pis notre clé. Jigga Inc. Sphere on nos îles, les hauts. Chez Jigga Inc. Des bitch go case de blue. On run le shit, nous pis notre clé. Sphere on nos îles, les hauts. Chez Jigga Inc. Amène dans mon auto, je les chatouille, je les caresse, je leur donne des petites tapes sur les fesses. Les mamans, attention, je m'envolis chez ton garçon. Il fait chaud, je suis de la craque. En way, sort ton catraque. Par un beat, chie des notes. On fait de la musique de plot. Otari, liche des battes. On se trouve drôle avec nos faces. Si tes games nous écoutent, on va tout te déchirer. Le hip-hop, c'est un peu drôle, mais on aime mieux le rock'n'roll. Il fait chaud, je suis de la craque. En ouais, sort ton catraque. Pour un beat, chie des notes, on fait de la musique de plot. On est Otari, on s'appelle. On s'appelle Otari. Ils sont Otari, mesdames et messieurs. C'était la pièce Old School du duo Otari. pour les découvrir. Ils seront en concert le 22 octobre prochain à l'Alizé en compagnie de nos idoles à tous, Major Bidet ainsi que de la formation Polype. Un peu avant, on avait Jenga Fly avec un featuring de Fat Vio. C'était la pièce Jenga Inc. Ils seront en concert le 23 décembre à l'Escogriffe. Je le sais que c'est très loin, mais je vais probablement vous casser les oreilles avec ce concert pendant les semaines à venir. C'est vraiment un concert que j'attends impatiemment. En plus, quelques jours avant Noël, mon Dieu, quelle saison magnifique, quel hiver. Un peu avant, on avait le Incredible Pack avec la pièce Seul et on a débuté avec TTC. C'était la pièce Paris, Paris. Connaissant TTC, il devrait être de retour à Montréal d'ici 2-3 semaines pour y passer 2-3 autres semaines à faire des concerts un peu partout en ville et même dans un Kentucky le plus près de chez vous. On va poursuivre dès maintenant avec des trucs un petit peu plus folk. On va avoir des pièces des chercheurs d'or. On va entendre la pièce « Viens donc chez moi » pour le monde qui nous écoute de Québec. Probablement qu'en ce moment, je sonne un peu comme ceci. Vous aussi nous écoutez sur Internet. Bravo, vous faites le bon choix. Tout ça pour dire que les personnes qui sont dans le coin de la ville de Québec, les chercheurs d'or, seront en concert à la Galerie Rouge ce soir. On va aussi avoir du Pépé et sa guitare. On va avoir la pièce au carnaval. On va aussi avoir Moussette avec l'excellente pièce La Morte est morte. Et on va terminer, si on a le temps, avec Mariva en duo avec Jacquenot. C'est une reprise de Nancy Sinatra, je parle bien sûr de Bang Bang, adaptée en français pour vous, chers auditeurs, parlant et pensant en la langue de Molière. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, mon courriel, c'est plectrumcism@hotmail.com. J'ai aussi un site web où est-ce que je note toutes les pièces qui ont été jouées. Lors de l'émission, il y a aussi une section archive, il y a aussi quelques liens rigolos à consulter si vous emmerdez au bureau ou à la maison pendant que vous écoutez l'émission. C'est le plectrumcism.blogspot.com, le site web de CISM, la station, c'est le CISM893.ca et finalement ma balado-diffusion, je vous rappelle à chaque semaine, c'est mon hobby, alors je vous invite à l'apprécier. S'il vous plaît! C'est au podmodernisme.blogspot.com. On débute dès maintenant avec Viens donc chez moi des chercheurs d'or. À tout de suite! carnaval, le monde est fou. Je bois, tu cales comme un trou. Tout ce que j'avale, du caribou. Rond comme une balle de neige dans le cou. Tu te demandes peut-être pourquoi y a plein de monde qui se ramasse là. Parce que colle ce qui fait froid, pis ça tente pas de mettre tes gros bas. Allez voir les sculptures de glace, même si ça fond, ça laisse une trace. Dans ma mémoire, je leur fais une place. Une shot de fort, pis ça s'efface. Mais le caribou, c'est pas si bon. Ça a un peu le goût du jus de carton. Au carnaval, le monde est fou. Je bois, tu cales comme un trou. Tout ce que j'avale, du caribou. Rond comme une balle de neige dans le cou. Tu me prends peut-être pour un alcoolique, parce que je te parle de caribou. En attendant les chars allégoriques, moi ça me prend ça pour tenir debout. Ma bouche qui fume comme une cheminée, je pense à Plume qui disait money. Il fait pas chaud, même si l'hiver est beau, on va se geler la tête dans le temps des fêtes. Mais le caribou, une chance qu'il y en a, parce que je pense que je gèlerai là. Au carnaval, le monde est sous. Je bois, tu cales comme un trou. Tout ce que j'avale, du caribou. Rond comme une balle de neige dans le cou. Tu me dis que c'est normal. armée au voleur. Tu me visais droit au cœur. Bang bang. Tu me tuais. Bang bang. Et je tombais. Bang bang. Et ce bruit-là. Bang bang. Je ne l'oublierai pas. Ensemble, on s'aimait bien, il me semble, mais tu n'avais de passion que pour tes jeux de garçon. Tu t'amusais, je te suivais, et ce bruit-là, je ne demande le chemin pour te retrouver.